Ouais, prends garde à toi, MC. Fais gaffe, ne tourne pas le dos, MC. Prends garde à toi. Prends garde à toi, MC. Fais gaffe, ne tourne pas le dos. Fais gaffe, fais gaffe. C'est fou comment l'argent, les gens, même toi, a pu te changer. Depuis que je te vois manger, sous prétexte, tu t'es rangé. Néglige d'être vengé, bataille clairement au moindre danger. Combien d'affreux sugar ramassé à la petite fuyée. Pas grâce à toi, même pour l'honneur, tous êtes mouillés. Tu fuyais, craignant que la police vienne t'ennuyer. Après qui on retrouve 20 ans les quartiers chauds au mois de juillet. Dans le domaine du courage, si l'on te paye, si l'on paye. À croire qu'un bon flow, du baratin, ça fait des merveilles. Évidemment, dans ton attitude, t'as pas ton pareil. Mais gars, au réveil, voilà avec elle que je suis sorti de sa bouteille. Moi, être chandon, blanqué, noir et tout droit de la cité. Pur son, plus cru de la rue, rien que la qualité. Toute l'année, t'es invité, pas seulement un son pour l'été. Gamin en VTT, Lascar en BMW. Ramène ta pépé, kiffe, adopte comme dit Gégé. Pas une raison, j'offre à tout le monde le pot de l'amitié. Aucune pitié, que tu sois pauvre ou plein de liquidité. Chaque garçon, tout attendrait pas pour te faire la peau. Ce que la rue te donne peut te le reprendre à tout bout de champ. Chaque garçon, j'attendrai pas pour te faire la peau. Ce que la rue te donne peut te le reprendre à tout bout de champ. Chaque garçon, j'attendrai pas pour te faire la peau. Ce que la rue te donne peut te le reprendre à tout bout de champ. Renie ton quartier, sous prétexte au brin de mon truc quartier. Langage de chartier, slang, l'argot extraverti. Lequel avec dans les parties tu faisais la sermie. En l'occurrence, trémoussé, les immigrés, tes amis. Tu joues les mondains, depuis qu'il est devenu quelqu'un. Y'en a plus d'un qui rêve de te briser les reins. Mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. Puisque bois du vin, porte du lin. Bon, pas de compagnie pour les câlins. Faut dire avant tu mangeais des pâtes, aujourd'hui t'es fat. Va pouvoir enfin soulager ta rate, gavé de zap. Ta famille, tu t'en tapes, tu t'y comptes l'argent entre tes mains moites. Tes nouvelles connaissances, celles qu'on rencontre qu'en boîte. Tu t'en fiches, soit t'apprêtes, traite pas la vie d'ingrate. Tout ça parce que tu rates, quand chez toi débarque les hommes en cravate. Où l'on te savate, t'as pas voulu partager. Seul tu as mangé, seul garçon tu vas plonger. D'autres pour regretter ou reculer, même y songer. Se venger, quand on doit ton sang de l'éponger. Chaque garçon, tout j'attendrai pas. Faire la peau, ce que la rue te donne peut te le reprendre à tout bout de champ. Chaque garçon tout j'attendrai pas pour te faire la peau. Ce que la rue te donne peut te le reprendre à tout bout de champ. Chaque garçon tout j'attendrai pas pour te faire la peau. Ce que la rue te donne peut te le reprendre à tout bout de champ. T'étonnes pas si dorénavant l'on te passe un savon, puisqu'auparavant avec tes gars tu traînais souvent. Fidèle d'ailleurs, content qu'il te le prouve à tout moment. De ton quartier solidaire en concert, sans cesse en mouvement. Maintenant exactement, que deviennent ces lieutenants? Que deviennent ceux qui mirent à ton service leur côté violent? Nos attentes pour autant de l'argent, un geste galant. Mais qu'à présent tu arbores les rues, si carreaux volants. Traitant ceux pour toi faisaient du boucan, de délinquants. Pousse pas le bouchon trop loin et t'aimes, je sais, mais carreaux volcan. Ce que la rue te donne peut te le reprendre à tout bout de champ. Ce n'est pas tout le monde que tu corromps avec un billet de 500. Même au fin fond de ma banlieue, au coule le ponçon. Ou voler une profession banale comme d'autres une fonction. Quel que soit le dilemme, la situation, aucune délation. Trahison, dépit, des exactions commises par le coup. Autant finir sous les verrous. Six pieds sous terre au cimetière, couché au fond d'un trou. Que ça ne vaille ou pas le coup, je lâche pas mes gars malgré tout. Je laisse ça aux autres, tant pis pour moi si je me vote. Chacun son tour, mais j'attendrai pas pour te faire la peau. Ce que la rue te donne peut te le reprendre à tout bout de champ. Pour te faire la peau, ce que la rue te donne peut te le reprendre à tout bout de champ. Chaque garçon tout j'attendrai pas. Pour te faire la peau, ce que la rue te donne peut te le reprendre à tout bout de champ. Chaque garçon tout j'attendrai pas. Pour te faire la peau, ce que la rue te donne peut te le reprendre à tout bout de champ. Chaque garçon tout j'attendrai pas. Pour te faire la peau, ce que la rue te donne peut te le reprendre à tout bout de champ. Ce que la rue te donne peut te le reprendre à tout bout de champ.